بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dis, il est Dieu l'unique, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul ne peut l'égaler.